Dans l'épisode précédent, après avoir créé sa fondation, Paul se retrouve confronté à la mafia qui souhaite enlever, avec son aide, la fille du sénateur maire. Je te le dis, Paul, je veux que tu enlèves la fille du sénateur maire. La fille du sénateur? Mais c'est la femme de mon frère, c'est quasiment ma belle-sœur. Prétextant une fête pour son anniversaire, Paul est bien décidé à obéir à la mafia et à enlever Valérie. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Paul? Ton anniversaire n'est que dans 2 semaines. C'est le seul jour dans le mois où papa me laisse sa maison. Au cours de cette fête, il fait semblant de faire du charme à Valérie pour mieux la kidnapper. Je vois de trouble. J'ai glissé une dose de barbiturique dans ton verre. Voici le 18e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé « Le retour de Valérie ». Paul, il y a eu une fête ici hier soir. Oh non, papa. J'ai retrouvé la piscine remplie de champagne. Oh bah ça doit être le gardien qui s'est trompé en la remplissant. Je m'absente une journée et tu en profites pour organiser des réceptions, sans moi. Allô? C'est Adrien. Monsieur le sénateur? J'ai un grave problème, Victor. Ma fille a été enlevée hier soir chez vous à la surprise partie de Paul. Qui a fait ça? La mafia. Et comme vous êtes un peu italien, j'aurais souhaité avoir un éclairage de votre part. Notre famille n'a rien à voir avec ça et je vais faire la lumière sur cette histoire. Paul, tu n'avais pas une dette envers le parrain? Moi? Bah, il m'a juste aidé à m'installer dans un secteur où la concurrence était forte, c'est tout. Il a un peu déblayé le chemin. J'espère que tu n'y es pour rien dans sa disparition. Attends, moi? Une chose aussi énorme, non? Quand je pense à ton frère qui doit se morfondre en espérant un signe de Valérie. Ah, en effet, t'as raison. Le voilà qui revient de son match de polo. Oh, bah dis donc, il a l'air abattu. Hein. Tu tiens le coup, Marc? Oui, ça ira. Mais la prochaine fois, je changerai de monture. Couscous n'est vraiment plus un cheval fait pour le polo. Tu n'es pas au courant? De quoi? Ta femme Valérie a disparu, enlevée. Oh non, je n'ai même pas encore souscrit l'assurance d'essai. Tu crois que c'est trop tard? Oui, mais nous la retrouverons et nous écraserons ces ravisseurs. N'est-ce pas, Paul? Faut que j'aille passer un coup de fil. La mafia, j'écoute. C'est Paul, vous me mettez dans de beaux draps, pour ne pas dire dans un beau sarcophage d'emmerde. Pardon, d'ennui. Qu'est-ce qui se passe? Me faire enlever la femme de mon frère, c'est un peu risqué. Nos revendications sont simples. Nous avons demandé à son père, le sénateur, de diminuer de 10% la taxe sur les pizzas. Nos ventes s'effondrent au profit des kebabs turcs. Il a accepté, tu peux donc la libérer. Oui, mais si je la libère, elle va dire que c'est moi son ravisseur. Et mon père va être furax! Quand tu nous as demandé de faire exploser la fondation Roy Painbrick, est-ce que tu t'es soucié une seconde de ce que pouvait penser le FBI? Chacun ses problèmes, Paul. Tu la libères, c'est tout. Valérie? Réveille-toi. Où suis-je? Dans la cave de mon père. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi c'est des menottes? Pourquoi? On a fait les fous tous les deux. Tu étais ivre et on a joué à des jeux coquins. Et tu t'es endormi dans la cave 2 jours. Je me rappelle de rien. L'alcool, c'est un vilain vice qui entraîne la confusion dans les souvenirs. Mais je t'assure, on a batifolé au milieu des millésimes et autres grands crus sans aucune retenue. On est amants? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te taises, hein. Pas un mot à ton frère, ni à mon père. Il serait en pétard s'il savait que nous deux... Motus et Bouscouli. Je vais rentrer chez moi discrètement. Personne n'en saura rien. Un dernier baiser? Non. Un dernier, ça veut dire qu'il n'y en aurait plus après. Je ne le souhaite pas. Au revoir, Valérie. Au revoir, mon prince. Quelqu'un reprendra du foie gras? Je n'ai pas très faim avec ce qui se passe en ce moment. Ça va s'arranger. Moi, j'en veux bien, Paul. Allô? Oui? C'est vrai? Parfait! À bientôt! Qu'est-ce qui se passe, papa? Valérie est de retour chez son père. Ses ravisseurs l'ont libérée. Elle a dit qui c'était? Non. Elle avait l'air radieuse. Sans doute les nouvelles méthodes de la mafia. Tu vas pouvoir la retrouver, Marc. Rien ne presse. Je peux finir mon pâté avant de retrouver ma terrine sur pâte. Si tu veux. Me voilà rassuré. Maintenant que nos investissements sont au chaud.